people to create their culture. Well, you pull away all. Bonsoir les amis, Radio No Border sur Radio Panique, c'est notre deuxième émission. Ce soir, on va parler de la France et de Calais. On va parler de Paris, on va parler des grèves des sans-papiers à Paris. Et puis, on viendra faire un petit tour en Belgique pour savoir un peu où on en est des régularisations. On va parler aussi du nouveau centre fermé qui a été occupé vendredi. Et on va parler de tout ça donc avec Serge, avec Hans, avec Evelyne et moi, Patrick. Et puis on attend Ibrahim aussi. On est tous en train de préparer le camp No Border qui va se tenir à la rentrée. Et c'est pour ça qu'on fait ces émissions. On va écouter un petit peu de musique et puis on s'y met. Ouais. On va écouter un petit peu de musique. Alors ça, c'est une musique que vous entendez assez régulièrement à Radio Panique. En fait, c'est le clocher de Saint-Josse qui annonce donc les émissions du Linéaire Info. Le Linéaire Info étant cette plage horaire Radio Panique où on palabre politique. Juste pour savoir, vous préférez quoi ? La chasse est ouverte ? Non, le dump. Le dump. Nomade. Ah, le dub. C'est un peu notre hymne. Déjà. Voilà. Ouais, ça devrait pas tarder. Ah, et bah, comme démarrage, dis donc. La dernière fois, on a démarré sur les chapeaux de roue. Là, je croyais que vous étiez mis. La force de la définition sociale de l'immigré et des problèmes qu'il pose tient au fait qu'il incarne toutes les formes de domination possibles. Il est tout à la fois l'ouvrier. Voilà. Donc, on vous l'avait annoncé dans la dernière émission, on voulait un peu revenir sur Calais, parce que pour le mouvement No Border, Calais, c'est un lieu important où il s'est décidé pas mal de choses dernièrement, et puis c'est un lieu important tout court, parce que c'est un point frontière qui a une histoire particulière. Moi, je vais tout de suite passer la parole à Evelyne ou à Hans, comme vous voulez, qui ont été à Calais, parce que moi, je n'y ai jamais été, j'ai que des questions à vous poser. Alors, la première question, Evelyne, c'est de savoir comment ça a commencé, Calais. Mais Calais existe déjà depuis 10 ou 20 ans. Il y a des migrants qui passent de Calais vers la Grande-Bretagne depuis extrêmement longtemps. Il y avait un camp Saint-Gate qui était tenu par la Croix-Rouge pour loger ces migrants qui étaient dans la nature. Puis un ministre français a décidé de fermer le camp Saint-Gate. Et depuis lors, ça fait à peu près 10 ans, les migrants sont dans la rue, dans les dunes, et essayent de passer vers la Grande-Bretagne dans des camions ou des containers. Suite à tout, évidemment, tous ces migrants sont fort réprimés, et suite à cette situation, on a décidé il y a un an de faire un camp No Border à Calais. Les camps No Border, ça fait 10 ans que ça existe, et ça se fait en général souvent à des frontières comme ça, tout à fait stratégiques. Et comme il y avait beaucoup de répression au niveau des migrants à Calais, on avait décidé d'aller à cette frontière-là. Voilà. Ça, c'était il y a un an. Anne va peut-être un petit peu continuer. Hein. On en avait déjà parlé la dernière fois. Tu nous avais décrit un peu Calais en tant que camp, quoi. Ben, donc, il y a eu le camp. C'était une initiative à la base des gens qui sont impliqués dans le mouvement No Border en Angleterre, qui sont venus au nord de la France, qui cherchaient des contacts parce qu'ils avaient envie de faire le camp à Calais. Ils ont décidé de ça en décembre 2008. Et disons, vers février, les préparations ont commencé. C'était à la base beaucoup, surtout des Français et des Anglais. Il y a des Belges qui ont rejoint les préparations assez vite. Et puis en quelques mois, en fait, ça a été très vite. Je pense en 4-5 mois de préparation, on a mis en place le camp. Et voilà, mais ce n'est pas juste l'événement du camp, ça se passe depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'associations qui ont été actives à partir de la fermeture de Saint-Gate, qui étaient plutôt dans l'humanitaire. Donc il y avait peu d'actions politiques, disons, il n'y avait pas vraiment un travail ou une campagne contre les politiques. C'était plutôt concentré sur l'humanitaire. Les No-Borders sont arrivés avec leurs critiques qui étaient beaucoup plus politiques. Au début, ça donnait un peu de tension avec les associations sur place, puisqu'ils s'engagent depuis des années. ils font vraiment un travail énorme. Donc ils donnent à manger par exemple à des gens, je sais pas, presque 360 jours par an. Oui. Et donc c'est un travail qui les consomme complètement. Et eux, ils avaient un peu l'impression que des snowboarders arrivaient pour leur faire la leçon. Ce qui n'était pas le cas. C'est juste que snowboarder n'est pas une organisation humanitaire et c'est tout à fait dans une autre logique. Mm-hmm. Bon, en tout cas, au début, ça a été un peu tendu. Par après, ça a changé. Donc après le camp, il y a des gens qui sont restés sur place. Parce que on prévoyait déjà la fermeture des jungles. Il y avait toute la rhétorique de Besson qui avait promis à Sarkozy qu'il allait fermer en tant que fidèle serviteur, qu'il allait fermer tous les jungles pour la fin de l'année, pour la fin de 2009. Et donc on sentait que ça commençait à bouger autour de ça. Il y avait de plus en plus de police et ils mettaient en place le dispositif pour vider les jungles. On pensait qu'ils allaient le faire en juillet. Bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu parce qu'ils font ça toujours comme ça. Mais les snowboarders sont restés sur place. Et jusqu'au moment de la fermeture des jungles, ils sont d'abord attaqués à la plus grande jungle où il y avait la jungle des Pashtuns. Il y avait plus ou moins 800 personnes qui logeaient par là. C'était vraiment un petit village. Ils avaient leur propre magasin. Il y avait une mosquée. C'était tout à fait autonome. Ils ont fermé ça. Il y a tout un truc médiatique autour. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'ils ferment les jungles que les gens ils ne sont plus là. D'un côté, apparemment, les routes des passeurs se sont déjà déplacées à ce moment-là. Donc, en été de l'année passée, ils se sont déplacés plus vers le nord ou d'autres villes portuaires de France. À ce moment-là, on les a vus beaucoup arriver en Belgique, par exemple, au port d'Ostende, au port de Zeebrugge et parfois encore plus loin. Quand tu dis « ils », tu parles des migrants en général ou tu parles des Pashtuns ? On peut peut-être rappeler ce que sont les Pashtuns, d'ailleurs. Les Pashtuns, c'est le tribu le plus important en Afghanistan. Ils sont les plus nombreux. Donc il y avait surtout des... Quand on parle des Afghans, en général, on parle de Pashtuns. Il y a aussi les Hazaras, qui sont les Afghans d'origine perse, qui parlent le perse. Et eux, les deux tribus, ils ne s'entendent pas, c'était des jungles différentes. Et puis, bien sûr, il y avait des Érythréens, il y avait des Somaliens, il y avait des Palestiniens. Il y avait plusieurs groupes et ils avaient tous plus ou moins leur propre jungle ou leur propre squat. Et ils n'étaient pas vraiment ensemble. Mais donc, à partir de l'année passée, ils étaient encore très, très nombreux. Mais ça commençait déjà à s'éparpiller un peu plus dans d'autres villes. Et avec le temps, ça, c'est devenu pire. Puis, après, il y avait l'hiver qui commençait. Donc il y en a beaucoup qui sont rentrés à Paris à un certain moment, parce qu'en général ils viennent tous à Paris et puis c'est de Paris qu'ils partent à Calais ou à d'autres villes. Et entre temps nos boarders avaient décidé en fait de mettre en place un local pour travailler et pour accueillir aussi des militants, nos boarders, pour les loger, etc. Puisque le camping, avant on était au camping communal, le camping communal se fermait fin octobre ou un truc comme ça, et donc il fallait un lieu. Il faut dire qu'avec le froid, on a eu un hiver assez dur. Ça devenait de plus en plus précaire et de plus en plus difficile. Et en plus, la répression de la police devenait de plus en plus dure. Et la pression sur les migrants devenait de plus en plus dure puisque Besson il avait promis qu'il fallait vider les jungles pour la fin de l'année. Et par exemple, au local de nos borders, on a été confrontés à des situations très difficiles. Déjà, on ne voulait pas accueillir des gens, enfin pas loger des gens. Parce que ce n'était pas le but et en plus on n'avait pas la capacité, etc. Mais quand même, quand il gèle dehors la nuit, comment est-ce que tu vas mettre des gens à la porte ? En plus, il y en avait qui étaient très très jeunes. Le plus jeune que j'ai vu là-bas avait 10 ans. Mm-hmm. Bon, ça, c'est devenu très difficile et du coup, on avait décidé de fermer le local fin janvier et on a essayé d'ouvrir un hangar pendant 2 mois. Qui allait être un sorte de centre de jour, disons, donc un local no border, mais où on pouvait aussi accueillir des migrants sans pour autant être un lieu de logement. Ça n'a pas duré très longtemps, ça n'a pas été toléré. Et entre-temps, il faut dire que no border à Calais, il y a de nouveau un autre local qui est encore plus petit, on ne loge pas des migrants, mais on essaye d'être présent régulièrement. Et maintenant, entre-temps, il faut aussi dire que on a assez bien mobilisé dans d'autres pays pour nos borders, parce que disons que les gens s'épuisent à un certain moment, les militants locaux, ils ont encore une vie à côté et ça commence à peser. Et en fait, il y a de plus en plus, par exemple, des gens qui sont venus des Pays-Bas et de l'Allemagne, qui viennent parfois en week-end, comme le week-end passé, en fait, il y a eu une équipe de médecins allemands qui ont été à Calais pour donner des coups de main. Et comme ça, il y a régulièrement des gens, parfois il y a beaucoup de monde, parfois il y a très peu de monde ou quasi personne. Et c'est un peu la situation actuelle. C'est devenu encore plus précaire parce que maintenant tous les squats, on les vide aussi. On vient de vider le squat des Africains. On va le démolir bientôt. Et il faut aussi dire que maintenant, en fait, le nombre de migrants a diminué avec la pression énorme et qui ne cesse jamais. Et donc, disons que ça a un peu disparu dans la nature. Toute cette migration, mais elle est certainement toujours là. Et encore, il y a quelques week-ends, on a été à Ostende pour un peu repérer, pour voir ce qui se passe par là. Tu ne les vois pas dans la ville. Oui. On sait qu'ils sont là. Uh-huh. Mais ils sortent vers 10h, 10h30 du soir, comme la police qui sort au même moment, au moment qu'ils essayent de rentrer dans le camion pour passer sur les bateaux, etc. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de migrants qui tombent de conteneurs, qui tombent de camions, etc. Il y a des gens qui avaient des bras cassés, parfois avec des blessures graves à la tête, etc., qui se retrouvent à l'hôpital où on va les aider, bien sûr, en urgence, mais pas plus que ça. Et pour le reste, ils sont donnés à la nature et c'est très difficile de les retrouver. Bon, on va travailler là-dessus maintenant, mais... Voilà. Donc ça c'est plus ou moins l'histoire disons de Calais, disons de la dernière année plus ou moins. Ouais. Moi j'avais une question. En fait, j'avais deux questions. La première c'est est-ce que on peut observer une solidarité au sein des migrants, notamment entre des groupes ou des tribus, notamment tu parlais des Pashtuns et des autres qui n'existent pas dans leur pays. En fait, ils amènent leur conflit communautaire avec eux. En gros, c'est ça. Parfois, ce n'est pas toujours comme ça. Hein? Parce que c'est toujours des êtres humains, ils n'ont pas tous les mêmes réflexes. Ils peuvent peut-être être solidaires individuellement. Mais les groupes... vont conserver une part de leur... Il faut aussi savoir que les différentes filières de passage... sont aussi liés à des communautés. Bien précis. Ouais. Donc, certaines mafias, par exemple la mafia kurde, qui est très présente à Calais, ou qui l'était en tout cas, qui va avoir certains territoires. Par exemple, il y en a qui essaient de passer par le tunnel en dessous de la Manche. Il y en a qui essaient de passer sur les parkings, un tel parking sur l'autoroute qui va vers Calais, par exemple l'ancien terminal de ferry. C'est vraiment des zones avec des mafias différentes, avec des communautés qui sont liées à ça. Maintenant, il faut dire, par exemple, avec la situation est devenue tellement précaire que maintenant, tu vois des squats plus partagés. Ce qui est peut-être une bonne chose, parce qu'à la base, vu les difficultés qu'ils rencontrent tous, on pourrait s'attendre à une certaine unité face aux problèmes communs. Oui, mais c'est un peu tard, dans le sens que maintenant, la situation est devenue tellement difficile que c'est vraiment... c'est devenu tellement précaire qu'ils ne sont pas capables de créer une force ou de créer un pouvoir en tant que groupe pour se manifester. Ça, c'est devenu impossible. Ils sont maintenant dans une situation trop précaire. Mais au moment des squats africains, donc il y avait plusieurs squats africains et le squat érythréen et soudanais avait été rasé. Et là-dessus, tous les Africains se sont retrouvés dans un squat africain qu'on appelait. Et là, ils sont restés ensemble pendant 6 mois et ça s'est très, très bien passé. Il y avait très peu de conflits, il y avait les Anglais qui donnaient des cours d'anglais, et il y avait toute une ambiance vraiment très agréable, tant qu'on peut nous trouver ça agréable. Puis maintenant, ils ont été expulsés de là, et puis du coup, les conflits reprennent, et ils ont refait chacun leur petite zone. Mais il y a eu un moment, dans la précarité sans doute, où ils se sont retrouvés tous ensemble, et où c'était très... Maintenant, ils se sont plus isolés aussi, je pense, parce qu'ils essayent de se cacher. Et quand ils restent en grand groupe... Tu es repérable. Ils sont beaucoup plus repérables. Donc maintenant, parfois, ils vont traîner ensemble dans la journée. Mais le soir, ils vont vraiment se séparer en petits groupes pour aller se cacher, pour essayer de dormir. Parce que c'est très difficile parce que les flics vont les harceler la nuit. Ils peuvent être contrôlés 2-3 fois pour les empêcher de dormir, en fait. Ah. Oui, la personne qui a posé la question, là, c'est Damien. Il faut m'excuser, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure parce que je ne savais pas qu'il pouvait intervenir. Et vous savez, les techniciens, on n'en parle pas. Hein, c'est l'ombre. mais moi, je crois que, tu vois, pour répondre à ta question, ce qui est inhabituel avec Calais, c'est qu'on est quelque part sur un axe de migration internationale à un niveau... c'est effectivement beaucoup des Afghans, etc., beaucoup des réfugiés. On n'est pas dans, le rapport à la migration, par exemple, maghrébine qu'il y a en France, etc. Et donc, ça brasse des populations qui sont quand même dans des horizons très, très différents. Et c'est normal aussi qu'on ne retrouve pas les mêmes solidarités qu'on peut retrouver dans des occupations à Bruxelles, par exemple. Ou... Et il y a une chose qui me frappe d'ailleurs, c'est qu'il y a donc quelque chose de très international dans l'immigration qui passe par ce point-là, que les autorités françaises essayent absolument d'éparpiller, d'effacer, quoi, mais qui est là, ne serait-ce que par sa proximité avec l'Angleterre, quoi. Il y a une espèce de symétrie avec la mobilisation internationale qu'il y a là. Tu parlais des Allemands qui viennent, etc. Est-ce qu'on peut parler peut-être de ce que vous avez décidé, vous, à Calais, qui s'est réalisé depuis? Puisqu'on parle là du camp No Border, qui s'est passé quoi, il y a un an? Il y a juste un an. Et suite à ça, on est retourné très régulièrement à Calais pour continuer à travailler là. Et puis l'idée est venue petit à petit de faire un No Border Camp à Bruxelles. Et évidemment, les Allemands, les Hollandais, les Anglais, pour eux, Bruxelles, c'est le centre de l'Europe. C'est là que toutes les décisions se prennent au niveau migration. Et donc, ils étaient vraiment très, très chauds à ce qu'on fasse ça ici. Voilà. Et donc, fin de l'année passée, on a décidé de le faire et on a lancé l'organisation de ce No Border Camp. En même temps, les Français, qui étaient aussi beaucoup présents à Calais, se sont dit qu'ils devaient absolument aussi faire quelque chose pour... Parce que cette situation, quand on va à Calais, c'est tout à fait inimaginable et inhumaine. C'est vraiment des harcèlements tout le temps. Donc les Parisiens, eux, ont aussi dit, on va faire un no-border à Paris. Et du coup, dans plusieurs villes de France, il y a aussi des no-borders qui s'installent. Et il y a eu une toute grosse manifestation il y a 2 mois à peu près. Le 15 mai, je pense. Le 15 mai, oui. No Border. Dont on va parler de suite, ouais, effectivement. Et on va reparler effectivement aussi du camp No Border, puisqu'on est, aussi beaucoup là pour ça, qui va se tenir à Bruxelles à la rentrée. Et pendant ce camp No Border, on peut déjà annoncer qu'il y aura des gens qui viennent de Calais, et notamment un groupe, je ne sais pas si vous pouvez peut-être en parler, c'est le Calais Migrant Solidarity, qui fait des vidéos d'une veille policière comme ça. Oui, en fait, Calais Migrant Solidarity, c'est le nom du groupe qui s'est formé sur place. Donc, c'était à la base surtout des Anglais qui avaient besoin d'une dénomination. En tant que groupe, ils ne voulaient pas dire No Border Calais parce qu'en fait, ils ne sont pas calaisiens et c'est des gens qui visitent. Et donc, disons, en gros, le nom du projet de No Border, à la fois d'Anglais et de Français et de Belges, ça c'est Calais Migrant Solidarity. Le courant d'air que vous sentez peut-être sur les micros, en fait, c'est parce qu'on a ouvert la porte parce qu'Ibrahim vient d'arriver. Bonjour Ibrahim. Il n'a pas de micro, donc je lui passe tout de suite. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va tout de suite écouter un morceau de musique et on va passer ensuite à cette partie parisienne qu'on voulait sur notre parcours en France, de ce qui s'est passé à propos de nos borders à Paris il y a un mois, c'est ça? Le 15 mai. Voilà. La chasse est ouverte, ça donne bien l'idée de ce qui se passe en France depuis un certain Dark Vador au ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Et puis aussi l'empereur qui est maintenant président. Et l'empereur confie des missions à son Dark Vador qui les exécute fidèlement. On va parler de Paris alors maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris, vous qui y étiez? Moi, j'étais pas là-bas en mai. En gros, le 15 mai, il y avait un appel pour une grande action de masse, disons. En fait, c'était le but. Donc, ils avaient fait un parcours qui passait par plusieurs lieux qui sont importants pour le monde de la migration à Paris et surtout pour le monde des sans-papiers à Paris. Donc, à Paris, il y a plusieurs endroits où il y a des sans-papiers qui se cachent, qui font des campements, comme le long des canals, sur des quais ou dans des parcs ou dans d'autres lieux. Et donc ils avaient simplement fait un tour de différents lieux et il y avait une manifestation et sur chaque endroit ils allaient discuter, ils allaient expliquer par mégaphone, etc. Et par après, sur une place, il y avait une sorte de village, il y avait à manger, il y avait un sound system. Donc par après, on passait un peu l'après-midi ensemble. Ça a été très, très, très dur, il faut le dire. Il faut aussi dire que ce n'est pas que les no-borders qui ont ce genre de traitement répressif. C'est quelque chose de général depuis 2 ans à Paris, si j'ai bien compris. Un peu en France aussi, on peut dire. Mais Paris est un centre de pouvoir, c'est normal aussi. Mais tout, la France est un peu sous un état particulier. Donc la police, il s'impose d'une manière très, très arrogante, très brutale. Et en fait, on empêche un peu, un maximum. Et en fait, de fur et à mesure aussi, donc il n'y avait pas tellement de monde. Et si j'ai bien compris, c'est bien parce que tout ce genre de manifestations qui viennent d'un coin un peu plus autonome, un peu plus anarchiste, etc., sont systématiquement réprimées d'une manière parfois assez violente. Et du coup, il y a de moins en moins de monde qui a encore envie de se faire chier pendant une après-midi ou avoir des gardes à vue, etc. Et donc, les manifestations, elles deviennent plus petites. Et aussi plus militante. Bon, il y avait par exemple des gens qui parlaient dans les mégaphones, qui racontaient un peu ce qui se passait. Ouais, franchement, l'histoire, je trouvais ça assez. Parfois, au début, je n'avais pas très bien compris pourquoi ils parlaient d'une telle manière, d'une manière tellement. Ils parlaient énormément de la police. Par après, j'ai discuté avec les gens. Là, j'ai très très bien compris. Ils ont une histoire très conflictuel avec les autorités. Mmh. Oui, donc on était quand même, combien il y avait 200, 300 personnes seulement. 200. Mais il y avait au moins 3 flics par manifestant. Donc on a visité, en fait ils nous ont fait visiter tous les camps, tout ce qui se trouvait dans le chemin où ils dormaient, ce que la police faisait aussi, donc les chasser la nuit, détruire leur camp dans les parcs et tout. On est passé après entre les deux gares, c'était gare de l'Est et gare du Nord. Parce que la semaine il y avait eu un jeune qui a été tué parce que les flics le chassaient, donc il a voulu essayer de fuir. Et tout le parcours en fait on a été très très très... comment dire, ça avait vilipendé par les flics parce qu'ils voulaient vraiment. En fait, on avait l'impression qu'eux, ils voulaient que ça dégénère aussi à un moment donné. Donc, ils mettaient une pression, des petits mots, des petits trucs comme ça. Donc, mais heureusement, ce jour-là, c'était. Aussi, il y avait des gens qui essayaient de joindre la manifestation. Il y avait une bande d'Algériens et tout ça qui étaient là en soutien. Ils les ont quasiment. Enfin, non, ils ont carrément interdit de rejoindre la manif. Donc, tous les migrants, ils essayaient de garder à une distance maximale. Oui, en fait, on était bien entouré de flics, donc personne ne pouvait ni sortir. Ni rentrer dans la manif. Quoi. Et toutes les routes qui passaient par la manif étaient bloquées par des CRS. Moi, j'avais, par rapport à... Oui, tout le monde ne voit pas, mais j'avais une question. Est-ce qu'on peut... chaque fois que tu parles, on a l'impression que quelqu'un est sous la table et que d'un coup, il y a quelqu'un sous la table qui parle. Jack in the box. Non, non. Mais moi, je me demandais si la police ne menait pas quand même... en plus d'une politique de dispersion, hein, comme on parlait de Calais, notamment l'instruction, aussi une politique de séparation. Donc vraiment méthodiquement planifiée, et pas juste de dire bon ben on va limiter les risques en limitant le nombre de personnes groupées. Non, c'est vraiment on sépare par ethnie, par groupe, et en plus on disperse pour minimiser les risques d'organisation et pour minimiser un nombre important de problèmes peuvent y être à de grands groupes qui pourraient protester et organiser des protestations. Et on essaie surtout systématiquement, et depuis que je vais à Calais, les migrants et les militants doivent rester séparés. Donc ils ne veulent pas, disons... D'un support. Ouais, ils ne savent pas empêcher le fait que les gens se rencontrent. Mais du moment qu'il y a quelque chose, une manifestation ou une action ou je ne sais pas quoi, ils vont systématiquement garder les migrants à distance. Même s'ils sont au courant d'avance, ils vont aller d'avance dans les camps, ils vont aller chez les migrants pour leur déjà expliquer qu'il ne faut surtout pas se montrer à ce moment-là au lieu d'un rassemblement ou d'une manifestation. Et ils ont bonne raison de le faire parce que du moment que un mouvement de migrants commence à se politiser, ça pourrait changer la dynamique. Oui, on imagine qu'ils vont pas voter pour les partis en place de droite, notamment en France. Ça n'arrangerait pas grand monde. En plus, ils ont fait la même chose avec les gens qui sont solidaires. Parce qu'il y a plein de choses, de petites solidarités dont on n'est pas au courant. Des gens qui aident, qui trouvent un migrant le long de la route qui est malade, qui vont le prendre à la maison. Ou des bêtes choses, leur laisser prendre une douche ou charger leur GSM, des trucs comme ça. Il y a énormément de petites solidarités. En général, on laisse un peu faire, mais de temps en temps, on va quand même, s'il y a quelqu'un qui devient un peu plus engagé dans sa solidarité, hop, on dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de délit de solidarité, mais dans la pratique, c'est vraiment comme ça. Ah oui, parce que je crois qu'ils appellent ça un effet d'appel. C'est possible, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils ont peur que les gens, en les aidant, amènent plus de personnes encore à faire ça. Ben oui, si il y a une personne qui aide, il y a peut-être deux personnes qui vont aider, et l'année d'après, il y a 10 personnes en disant mais ça fait quand même beaucoup de gens dans la misère, on doit quand même les aider, et ça ils n'ont vraiment pas envie. Ouais. Ou que ce soit le Calais, Belgique, je crois que c'est la politique européenne d'immigration. Mais c'est aussi très encourageant de voir en fait qu'il y a toujours des gens dans leur coin qui ont ce genre de petite solidarité quotidienne et qu'ils continuent à le faire, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément, qui ne viennent pas à des manifestations ou à des rassemblements, mais qui ont bien des idées claires dans leur tête, qui ont une vraie solidarité et qui continuent. Et je veux simplement dire aussi que la police, en fait, elle crée aussi un système de psychose envers les autres personnes. On avait entendu que le jour d'avant la manif, déjà le jour d'avant le soir, ils avaient retiré tous les vélos qui se trouvaient le long du parcours. Et quand on a commencé à marcher, en fait, on était passé devant des magasins. Les gens, en fait, ils fermaient carrément leur grille. Donc, parce que la police, elle était déjà depuis très tôt le matin, elle avait barricadé les rues et tout pour créer un truc de psychose. Un climat de peur. La théorie de l'attention. Ouais. Mais cette pratique policière, elle est l'exact reflet d'un programme politique, puisque c'est la destruction des solidarités à tous les niveaux. Le programme même du gouvernement en place en France, c'est la destruction des solidarités sociales et aussi bien des solidarités de lutte, etc. Donc c'est vraiment très cohérent, cette affaire-là. Ce qui est étonnant, parce que pour nous en Belgique, effectivement, on n'a pas l'habitude d'une stratégie policière aussi attendue. La police, c'est pas que la police belge soit moins dure, mais elle est beaucoup plus inattendue, comme on va le voir tout à l'heure, peut-être avec l'action qui s'est passée dans l'occupation du chantier du centre fermé de Steenhokkerzeel. On n'a pas l'habitude d'une stratégie politique en Belgique non plus. Ça, c'est vrai. Autant en France, ils font un effort, autant en Belgique, c'est plutôt rigolo. En tout cas, juste pour vous donner une idée... de comment ça se passait, j'ai enregistré un tout petit interview avec un Parisien à la manifestation. Parisien, il n'est pas là, le Parisien de... Si, si, il est en pleine action, mais il est très calme. C'est-à-dire que la solidarité a tellement été réprimée que ça lui en a coupé le sifflet. Il y a une censure technique, un sarkozisme technique. La technologie naine. T'es sûr que ton PC ne vote pas UMP? Pourquoi non, UMP en fait? Une association Windows UMP. Non, je pense qu'il y a une petite erreur technique au niveau du son là. Et voilà, Paris est isolé. Désolé, ça sera une autre fois. En tout cas, c'est intéressant qu'on parle de ces questions policières malgré tout, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas une perception uniforme, même entre nous. Hein, on prépare nos border camps, on est obligé quand même de penser à cette question de la répression policière. Et c'est des fois difficile même de dialoguer avec les... On a retrouvé l'interview. À venir à cette manifestation. La passivité du public en général... vis-à-vis de la politique sur l'immigration en France et en Europe, les conditions indignes dans lesquelles on accueille les arrivants, de quel que soit leur pays. Essayer un peu de lutter contre une certaine apathie, à force d'être... On nous rabâche tout le temps les messages médias, mais personne concrètement fait rien, et souvent c'est des poignées de personne et bon, envie de sortir du laisser-aller, donc c'est pour ça que je viens ici en fait, voilà. Et à part de manifester, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour la liberté de circulation, pour la situation? S'occuper des gens autour de chez soi. Je sais qu'en France, avec le délit de solidarité, c'est assez compliqué, on rentre dans l'illégalité, mais il n'empêche qu'on peut... aider concrètement avec des couvertures, de la nourriture, certaines associations, on peut faire des choses qui sont des bouts de ficelle, c'est un peu à mettre du sparadrap sur une jambe blessée, je trouve. Mais on peut essayer à ce niveau-là, en s'associant, Et tant qu'il n'y a pas une vraie réponse des pouvoirs publics, on ne pourra pas vraiment gérer efficacement le problème. Et la seule réponse proposée, ben, c'est la répression, le laisser aller dans des conditions dégradantes, indignes. Voilà, je vois. Et est-ce que tu étais au courant du Common Border à Bruxelles? Ouais. Mais maintenant, j'y suis pas allé et j'ai jamais fait de camp no border. Donc, mais j'en ai entendu parler, oui, ouais. Quand j'étais à Calais, rapidement, j'avais discuté avec un ami qui était en contact avec les no borders. C'est d'ailleurs cet ami qui m'a dit qu'aujourd'hui il y avait un rassemblement. Il pouvait pas venir, alors je suis là à sa place. Voilà. Ok, très bien, merci. De rien. Ça, c'était l'interview de qui? Tu sais, Hans? Tu sais pas? C'est un gars que tu as rencontré? D'un gars que j'ai rencontré. À Paris, dans le mouvement de cette réunion No Border qui a eu lieu le 15 mai, donc à Paris, hein, c'est ça. Il y a un truc aussi dont on voulait parler pour la France, bah c'est ce qui se passe en ce moment par rapport aux travailleurs sans papier, qui est quand même paradoxal par rapport à tout ce qu'on a dit aussi, puisque dans ce climat-là, on pouvait s'attendre à ce que le mouvement sans papier soit complètement en retrait. Mais bon, c'est aussi une situation qu'on voit de loin, donc c'est assez difficile à mesurer dans quelle mesure c'est appuyé sur la CGT et sur un syndicat donc qui a des positions très diverses puisqu'il est capable de voter d'être complètement en retrait sur la question des retraites. Et puis là, à la base, apparemment, il y a des négociations qui se tiennent entre les travailleurs sans papier et le ministère de l'immigration et l'identité nationale. Et ce qui s'est passé dernièrement, donc le 18 juin, il y a un piquet de grève qui avait été placé à la place de la Bastille par des sans-papiers depuis début octobre 2009, donc ça fait quand même une paye. Qui était le piquet des piquets, comme il l'appelait, c'est-à-dire le piquet qui représentait une grève nationale qui concerne à peu près 6000 personnes sans papier en France, qui sont toutes qui travaillent toutes dans des secteurs comme le nettoyage, le bâtiment, etc. Et toutes ces personnes demandaient une régularisation sur la base du travail, quoi. Et elles ont réussi à obtenir donc une promesse de critères sur leur les preuves de leur travail en France. Moyennant cette promesse d'accord, elles ont levé le piquet à la place de la Bastille, mais elles ont gardé quand même les autres. Enfin, le mouvement demeure et on garde les piquets de grève dans d'autres lieux, comme à Kremlin-Bicêtre, où il y a 500 sans-papiers qui sont d'une entreprise de CENI, qui est une entreprise de nettoyage. Et donc, ils gardent les piquets tant que les promesses ne sont pas réalisées, et surtout parce qu'en fait, malgré ces promesses, il y a quand même toujours l'histoire d'être demeuré en France depuis 5 ans, ce qui est quand même énorme et qui concerne assez peu de grévistes, quoi. Donc il y a des gens qui ont fait la grève depuis 2009 et à qui on propose de bien vouloir les régulariser s'ils ont travaillé depuis tant, mais il faut quand même qu'ils soient là depuis 5 ans, quoi. Ça me paraissait intéressant de parler de ça avec toi, Ibrahim, parce que ça nous rappelle des choses. Nous, on est en Belgique normalement presque au terme d'un processus de régularisation qui traîne déjà depuis un an, dont on n'a pas encore les issues. Ça fait un an que le processus de régularisation est en cours. Oui, ça fait bientôt un an, quoi, parce que c'est depuis le 19 juillet. Donc depuis le 19 juillet, on a quand même sorti l'accord gouvernemental, malgré que ce n'est pas le vrai accord qui a déjà été signé par les membres du gouvernement, mais quand même on a tracé des lignes, quoi, qui peut quand même essayer à quelques personnes quand même de bénéficier de la régularisation et de sortir de cette situation qui les préoccupe depuis des années, quoi. Et par rapport à ça, je peux dire, donc nous, la base de la lutte, c'est ça, comme au niveau du Calais, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils travaillent et d'autres ont duré aussi en France et n'ont pas quand même la situation légale. On les considère des sans-papiers. Donc, c'est ça, nous aussi, c'est sur cette base qu'on a commencé depuis le 4 novembre 2008. Et on a pris ce point parce que c'est un point qui est quand même bien fondé. Et il y a des gens qui sont là, qui ont fait, d'autres même font, ils ont fait plus de 10 ans ici en Belgique. Et ils se trouvent toujours sans-papiers. Alors qu'aussi, ils sont là, depuis d'autres ont fait des procédures d'asile, la procédure est terminée, on a clôturé la procédure, on les a donné un ordre de quitter le territoire, mais elles sont toujours en Belgique, elles continuent à exercer toute leur vie normale, comme on peut le dire, entre guillemets, malgré que c'est une vie difficile, parce que tant que tu n'as pas de papiers, tu ne bénéficies pas de beaucoup d'opportunités, et donc tu as toujours une faillance d'un côté, quoi. Donc c'est sur cette base que nous on a commencé depuis novembre 2008. On a dit que bon, comme ça, ça serait un sujet bien important pour lequel nous allons nous servir pour les revendications. Mais pour revendiquer, on a dit on va changer de système parce qu'il y a ceux qui ont fait avant. Donc une fois qu'on donne la carte orange, les séjours temporaires, et c'est fini, on oublie quoi. On les donne, les petits groupes qui est là, on les donne et c'est parti. Donc il y a plus, on n'est plus, on n'entend plus rien encore quoi. Mais cette fois-ci on a dit il faut qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire parce que plus qu'on touche l'opinion publique, plus qu'ils seront, ils seront sensibles à la situation et ils prendront conscience quoi. Parce que ici on dit un sans-papier, il y a d'autres qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un sans-papier. D'autres peuvent considérer que c'est un objet, d'autres un animal, d'autres quoi. Et d'autres au niveau de l'opinion publique, il y a ceux qui qualifient de la misère du monde, des criminels, de quoi. Donc, mais nous on a dit, il faut qu'on montre l'image vraiment du mot sans-papier, ça n'englobe pas tout ce que les gens y pensent. Et celui qui n'est pas au courant de quoi que ça veut dire un sans-papier, voilà, maintenant on va essayer de toucher le cœur de... Parce qu'on sait que si on touche le cœur de la personne, il veut il face à la réalité. Donc ça va vraiment le toucher bien et il prendra conscience de la dignité des gens. Quoi. Et ça, on a pris ce sujet, ce point-là, parce qu'on voit c'est un point vraiment déterminé parce qu'ils ont mis l'accord gouvernemental depuis mars 2008, mais ils ne l'ont pas appliqué. On a dit, donc nous, on peut revendiquer dans ce point, comme ça, et ensuite, on va sensibiliser les gens qui, voilà, dans l'accord gouvernemental, parce qu'ils ont mis des points, des critères et qui sont bien déterminés, qui peuvent permettre aux gens-là qui ont duré depuis longtemps dans la Belgique de s'en sortir de cette situation. Et donc, voilà, ils n'ont pas appliqué. Chaque fois qu'on se met sur la table, à la dernière minute, ça s'est cassé, donc on n'arrive pas à avoir cet accord. Et nous, on a saisi ce terme et qui est solide, et on a dit donc, si on veut vraiment que ça soit fort, aussi, il faut que nous ayons un entourage fort, qui peut encore soutenir et qui va montrer l'image que, ah oui, les personnes là, oui, on peut les aider dans ce sens. Et ça, c'est très important. On a dit, bon, la revendication, c'est quoi? Les critères sont là. Il y a plusieurs catégories de gens qui vont se libérer. Il y a des familles qui ont des enfants scolarisés et qui sont là en Belgique. Ils sont toujours sans papier. Il y a de l'ancrage local durable. Même si tu es isolé, tu as dépassé les 100 cas en Belgique. Et il y a aussi sur les bases de travail. Donc, ce n'est pas comme au Calais, c'est seulement sur les bases de travail qu'ils ont fait. Mais nous, on a, voilà, comme c'est des critères qui sont sortis et il y a beaucoup de gens qui sont là. Et donc, quand je me rappelle, lorsque j'étais arrivé ici, dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, il y a des gens qui ont fait 7 ans dans les centres d'accueil. Et donc, s'il y a les moyens de ces lois-là pour la régularisation, depuis, ils allaient déplacer et laisser la place aux autres qui viennent. Donc, c'est ça. Et donc, là, ça a été bien. On a décidé, on a trouvé un endroit. On a dit si on prend un endroit d'une personne. Ibrahim, excuse-moi, parce que tu dis on depuis tout à l'heure. Nous avons donc. Tu parles. Tu parles d'un groupe de sans-papiers. Oui, d'un groupe de sans-papiers. Qui s'est fédéré sous la bannière UDEP à ce moment-là. Oui, 2008. Donc c'est un groupe de sans-papiers. On peut dire donc on est à la base de l'UDEP parce que c'est un mouvement, comment dirais-je, l'Union de défense des sans-papiers. Mais c'est donc ils regroupent les gens. ils demandent leur point de vue, comment ils veulent revendiquer, et dans ce cas, et donc ils aident les gens à se regrouper, à se concerter, à sortir les idées. C'est pas eux qui lancent les idées, mais c'est nous qui sommes victimes, et voir comment nous voulons mener l'action. Quelle action qui va nous faire sortir et sortir de ça? Et donc, tu as parlé de faire des choses extraordinaires et ouais. vous en avez fait ces dernières années des choses extraordinaires. En tout cas, on a fait beaucoup de choses extraordinaires, de telle sorte que voilà, on a ouvert l'occupation et on a l'objectif, le but là qui est là pour revendiquer. Et donc, on a quand même essayé de dire, donc on va essayer de sensibiliser les gens. Et via ça, on a pris l'occupation et on a touché le cadre académique. Au niveau des universités. Oui, vous avez occupé des universités. Donc voilà, on a eu quand même des occupations dans les universités et dans les églises. Et ça aussi, c'est des points importants. Parce que nous, on ne voulait pas occuper l'université parce que c'est un endroit pour les étudiants, c'est pas pour les sans-papiers. Mais quand même, quand on voit ça, on va dire, ah mais ça, c'est des choses différentes, ils ne vont pas se mélanger. Donc si on voulait que nous, on règle notre situation, nous, et on est venu avec un sujet fort. Et tout le monde, on les a montré que nous, notre sujet, c'est revendiquer ces droits-là, ces lois-là qui vont nous libérer et aider nous à faire à sortir de cette situation. Et donc, c'est un sujet que les gens ont embrassé. Et donc, ils nous ont aidés dans ce cadre. C'est difficile, c'est très difficile, parce qu'il n'y a pas un accord entre l'université d'accueillir les sans-papiers. Mais quand même, avec le dialogue, on a quand même pu essayer d'avoir les gens. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on a eu le soutien et l'université a accepté elle n'a pas accepté parce que nous on l'a donné, donc on a quand même pris cette place et les syndicalistes et les églises, les cultes religieux aussi, ils se sont ralliés à ça, à notre cause et ils nous ont aidés dans ça. Et donc la lutte a été quand même vraiment favorable et on a programmé des manifestations. Mais ce qui est différent de nos manifestations, on pose le sujet et l'endroit où on va, le trajet qu'on va faire pour la manifestation, pour nous rendre visibles, pour montrer que oui, nous sommes là et voilà, c'est des personnes dignes et responsables d'eux-mêmes. Donc c'est ça, on trace le trajet et on dépose à la police, à la commune, les responsables. Tu parles des différences avec la France, là, ce que tu me disais tout à l'heure en micro. Oui, donc on peut passer un deal avec la police belge encore. Bon. Après, la police française, on n'est jamais sûr de rien. Donc, vous savez, chaque pays a sa façon politique de gérer sa situation. Donc, on ne peut pas. Peut-être ils ont trouvé le fait d'empêcher quelqu'un de se rapprocher au sans-papiers, ça peut attirer. Donc, au niveau de la Belgique, donc, on me laisse. Tout le monde peut entrer dans le groupe, il fait ça, c'est seulement tant que c'est passé pacifiquement et que vous allez faire pas dépasser les limites, là ça va. Donc, et là, dans ce cadre, on a quand même réussi. Chaque fois qu'on sort, on le donne et ça passe. Et je te coupe parce qu'en fait, on est pressé par le temps, évidemment. Ouais, il faudrait beaucoup plus qu'une heure pour raconter tout ce qui s'est passé, pour obtenir enfin cette promesse de régularisation en Belgique. Il faudra le faire, je pense. On a essayé de mettre pas mal d'informations sur le site du No Border, dont je rappelle l'adresse www.noborderbxl.eu.org. Et c'est des choses qu'on prévoit pendant la semaine du No Border qui va se tenir à Bruxelles du 27 septembre au 3 octobre. On va prendre une journée entière pour voir des films, pour raconter tout ce qui s'est passé pendant ce mouvement sans papier belge ces dernières années et le processus. Et Damien parlait tout à l'heure d'absence de politique. On pourrait rappeler quand même que donc il y a eu comme ça plusieurs années de lutte, de grève de la faim, enfin une promesse d'un gouvernement en place, qui a eu beaucoup de mal à se former, etc., qui a promis qu'il allait régulariser. Il a fallu attendre encore un an avant que cette promesse soit mise en application, et elle est en application depuis un an, et il y a des gens qui n'ont toujours pas la réponse. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui luttent depuis des fois 5 ans, qui ont dû attendre 2 ans encore, et qui ne sont toujours pas sûrs d'avoir... Et il ne faut pas oublier que... Moi, donc, ça fait plus de 5 ans, mais jusqu'à présent, on a fait la lutte, mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore régularisé. Mais quand même, il y a beaucoup d'autres aussi qui ont été régularisés. Par... Tu peux dire, Ibrahim, pourquoi tu n'es pas régularisé? Je veux dire, à quoi ça tient? Bon, donc, au moment où on a sorti, donc, on a dit qu'il faut que les gens qui ont l'ancrage local durable, qui dépassent 5 ans isolés. Et donc, moi, je n'ai pas atteint les 5 ans, mais quand même, ça me permet de... Parce qu'il m'est resté quelques mois pour atteindre les 5 ans à la date limite. Donc, il m'est resté 5 mois. Mais à ma dernière connaissance, maintenant, il y a des gens qui ont venu après moi-même dans les centres d'accueil. Ils ont réussi leur régularisation. Même la semaine passée, le vendredi passé, il y a un ami qui m'avait appelé. Lui, il était venu plus d'un mois même après moi. Donc, lui, il a été régularisé. Donc, on ne sait pas, c'est une question de chance, peut-être, ou bien donc, les dossiers, comme ils sont en cours, si tout n'a pas été bloqué, peut-être un jour, j'aurai ma régularisation en cours qui viendra. J'ai l'espoir, donc on espère aussi qu'on pourra quand même sauter. Et on croise tous les doigts. Je crois que ce que tu dis est important à rappeler pour dire dans quelle situation on est en Belgique par rapport à la régularisation et par rapport au processus, au cycle de la lutte qui recommence après chaque régularisation. Il y en a eu 3 en Belgique. Des régularisations qui sont toujours ponctuelles avec des critères qui ne sont pas du tout permanents. On voulait parler de l'occupation du centre fermé qui a eu lieu vendredi dernier. On n'aura pas le temps cette fois-ci, mais on peut trouver une vidéo qui sera sans doute sur le site No Border qui raconte un peu ce qui s'est passé et on reviendra là-dessus sans doute la prochaine fois. En plus il y a l'émission qu'on a enregistrée vendredi soir sur Air Libre qu'on va mettre sur le site aussi et là on parle beaucoup de cette occupation Et alors, on finit toujours notre émission par rappeler des informations pratiques et par un petit agenda. On a déjà organisé plusieurs fêtes dans Bruxelles qui sont super bien passées avec des projections dans différents lieux d'occupation, etc. et des concerts et c'était vraiment chouette. Et prochainement, on a encore une réunion à vous proposer qui va être vraiment chouette. C'est le 3 juillet. Le 3 juillet, fête nationale de l'Empire américain. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est dans une occupation au 123 rue Royale. C'est ça? Et là, je crois qu'il y a 3 concerts, il y a un DJ, etc. C'est 3 DJ. C'est 3 DJ. DJ. Ouais. Ça va être une soirée essentiellement musicale, qui est donc au profit de l'organisation du camp No Border qui va se tenir à la rentrée. Donc, on vous encourage à venir nous rejoindre, à venir nous aider aussi, parce qu'on est tous là à préparer le No Border. Il y a pas mal de choses à faire, évidemment, pour que ce No Border se passe bien et qu'on arrive enfin à sortir justement de toutes les réalités un peu tristes. Des fois qu'on a décrit là et qu'on obtienne enfin la libre circulation des personnes qui est quand même la moindre des choses sur Terre. Ben voilà. Voilà, merci à l'équipe de No Border d'être venue sur la radio. Et surtout merci à Damien d'avoir s'être occupé de la technique. Non mais c'est toujours avec plaisir, hein. Moi j'aime vraiment bien, c'est très chouette, c'est vraiment des informations qui ont du mal à circuler sur d'autres médias. Hein, bonjour la RTBF, on vous déteste. Et d'autres médias particulièrement nullissimes. Alors juste pour vous rappeler, ce sera bien sûr disponible en podcast, je crois que ça va être rediffusé sur Air Libre également. Donc vous allez avoir du mal à ne pas savoir ce qu'est le No Border. Sur ce, c'est le but. Voilà, et on y travaille dur. Sur ce, passez une bonne fin de soirée et à la fois prochaine. Oui, salut, à bientôt. Salut, hein. À bientôt.